Chapitre 2. Supposons que vous soyez un écrivain. Vous vous échinez à écrire votre livre pendant des mois, peut-être des années. Rêvant audacieusement que vous avez écrit un potentiel best-seller, vous envoyez votre manuscrit à une importante maison d'édition. Quand votre livre arrive sur le bureau de l'éditeur, celui-ci le parcourt pour voir si votre livre contient le. Oui, vous avez rédigé de bons dialogues, présenté des personnages intéressants, vos descriptions sont colorées et réalisé une œuvre commercialisable. Mais il ne fera pas long jusqu'à ce que l'éditeur découvre qu'il manque quelque chose et que vous receviez une lettre de refus. Qu'avez-vous oublié? Le conflit. Si une histoire ne présente pas un conflit, elle est morte à l'arrivée. Le conflit peut prendre des formes diverses. Le bon contre le méchant. Le bon pays contre le mauvais. L'héroïne contre la nature. Une tempête ou un animal sauvage. Même l'histoire de quelqu'un qui mène un conflit intérieur, une mauvaise habitude, une tentation de faire quelque chose d'illégal. Le conflit est l'élément absolument essentiel, non négociable, d'une histoire. Pourquoi? Parce que la vie même sur cette terre consiste à affronter des conflits. C'est une réalité fondamentale de la vie sur cette planète Terre. En fait, vous ne pouvez vivre une seule journée sans entrer dans un conflit. Il peut s'agir de deux garçons jouant des points dans la cour. Peut-être s'agit-il d'un mari et d'une femme qui se disputent. Il peut aussi s'agir de deux boxeurs sur un ring, chacun cherchant à mettre l'autre hors de combat. Ou encore d'un face-à-face télévisé qui produit plus de tension que de lumière sur la politique. Il est même probable que souvent, vous avez conscience d'un conflit qui se développe en vous. Un conflit entre votre bon côté et votre pas si bon côté. Mais Dieu est un Dieu de paix, pas de conflit. Il a créé un monde de paix parfaite, d'harmonie complète entre les gens. Au commencement, même les animaux étaient en paix entre eux. L'idéal de Dieu est l'absence totale de conflit. Et la Bible annonce nettement que le temps viendra bientôt où la terre sera à nouveau un lieu de paix absolue. Le conflit est un intrus, une aberration, une mutation. Le conflit est le fruit direct du péché. Et le plus petit dénominateur du péché est l'égoïsme. Le péché n'aurait jamais existé si Lucifer n'avait voulu s'élever et prendre à Dieu la première place. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu te disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de la rencontre. Je monterai sur les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 12 à 14. Lucifer a développé un problème du moi. Et chaque fois que le moi s'exalte, il en résulte un conflit. Toute la vie tourne autour du moi. Le moi est exalté, protégé, défendu, nourri et répond instinctivement à tout ce qui peut menacer sa hauteur. Et quand il est menacé, le moi entre en guerre. Ainsi la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Le grand conflit entre Lucifer et son Créateur est engagé. Et cette guerre immense qui fait rage depuis au moins 6000 ans est l'arrière-fond de toutes les guerres. Supposons que l'on vous conduise les yeux bandés dans une galerie d'art privée d'un milliardaire et que l'on vous place à 5 ou 10 cm de l'un de ses murs. On vous enlève votre bandeau et l'on vous demande de décrire ce que vous voyez. Votre réponse sera que vous voyez des couleurs, un peu de jaune, une tache brune. Vous reculez de quelques centimètres et la couleur commence à prendre forme. Finalement, vous reculez d'un mètre et vous constatez que vous êtes en train de regarder une copie du fameux tableau de Léonard de Vinci, Mona Lisa, dont l'original est au musée du Louvre, à Paris. Le grand conflit entre Lucifer, maintenant Satan, et le Christ correspond à la vue d'ensemble. Tout conflit, toute guerre, toute lutte sur cette terre n'est qu'une petite partie, une fine tranche, d'un grand ensemble. Ce n'est qu'une petite échauffourée de la grande guerre qui forme l'arrière-fond de toutes les guerres. Les conflits surgissent quand le « moi » prend toute la place. Si j'ai raison, alors vous avez tort. Si je suis menacé, j'aurai recours à n'importe quoi pour me protéger. Si je veux quelque chose, alors je dois l'avoir, par la force si nécessaire. Avant que le péché, l'égoïsme, n'entre dans l'univers, les conflits n'existaient pas. Quand Dieu éradiquera le péché pour toujours, et recréera notre terre, il n'y aura plus jamais de conflit. ils ne sont que temporaires, intérimaires. Avant que le péché ne vienne, il n'y avait pas de confrontation, comme quand nous faisons usage des formules « en ce qui vous concerne » et « pour ma part ». Avant le péché, toutes les créatures de Dieu étaient avec lui. Après le péché, certains se sont tournés contre lui. Ainsi, pendant 6000 ans et plus maintenant, il y a eu deux côtés, du côté de Dieu et du côté de Satan. Et notez bien qu'il n'y a pas de troisième côté, il n'y en a que deux. Et à chaque moment de chaque jour, chacun de nous ne peut choisir que l'un de ces deux côtés. La vie ou la mort, le bien ou le mal, la lumière ou les ténèbres, la vérité ou le mensonge, la confiance ou le doute, l'amour ou l'égoïsme, le positif ou le négatif, Christ ou Satan. Mais, protestera quelqu'un, dans cette guerre entre deux grands dirigeants qui disposent de principes totalement opposés, je n'en choisis aucun. Je suis indépendant. Je ne suis fidèle qu'à moi-même. Que le Christ et Satan se battent, je n'en ai rien à faire. Permettez-moi d'être tout à fait clair. Il n'y a que deux options, et personne dans l'univers ne peut rester neutre. Nul ne peut se tenir sur la touche. Pourquoi? Parce qu'à moins de choisir volontairement le bon côté, par défaut, vous choisissez le mauvais. Ne pas choisir le parti du Christ dans ce conflit vous place automatiquement dans le parti adverse. Vous voyez, si vous cherchez à jalonner un troisième domaine, indépendant, vous mettez en évidence votre moi, je. Ce qui vous place entièrement dans la colonne de Satan. L'histoire du grand conflit entre Christ et Satan, qui est l'histoire formant la toile de fond de ce livre, est l'histoire de deux parties en conflit. C'est pourquoi il s'agit de l'histoire de la façon dont les gens, depuis nos premiers parents, Adam et Ève, jusqu'à vous et moi, et tous les vivants, choisissent de quel côté du conflit ils veulent se tenir. Sommes-nous avec Christ ou avec Satan? Sommes-nous fidèles à la vérité ou au mensonge? Sommes-nous conduits par l'amour ou par l'égoïsme? C'est aussi simple et vrai que cela. Certains de ceux qui admirent leur propre prouesse intellectuelle pourraient protester, car cela ressemble fort à une pensée du type « blanc ou noir ». Ils pourraient insister qu'en ce qui concerne le vrai et le faux, la vérité et l'erreur, il n'y a que du gris, pas d'absolu. Mais vous ne pouvez, comme la Bible le déclare, servir deux maîtres. Vous devez en choisir un, Christ ou Satan. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, dit Josué 24:15. Il existe des choses telles que des vérités simples, sans erreur. L'amour sans égoïsme, cela existe aussi. On peut aussi être totalement fidèle à Dieu, sans jouer un double jeu des deux côtés de la barrière. Des nuances de gris. Mélangez une petite quantité de peinture noire avec une grande quantité de peinture blanche, et vous obtiendrez de légères nuances grises. Plus vous ajoutez de noir, plus les nuances se renforcent. Dieu n'a pas créé des nuances de gris. Sa vérité ne contient aucune erreur. Son amour n'est marqué d'aucun égoïsme. Sa lumière n'est pas partagée de ténèbres. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres, dit 1 Jean 1:5. Il n'y a pas de terrain d'entente dans le grand conflit. Il n'existe pas des nuances de gris entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur. Il peut paraître possible de faire des compromis, de jouer un double jeu, mais ce n'est pas le cas. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Le thème de ce livre est que Dieu a toujours eu un peuple qui lui est resté loyal, fidèle à sa vérité. Tout au long de l'histoire, des hommes ont choisi de prendre parti pour lui dans le grand conflit. Ceux qui ont pris parti pour Dieu ont toujours été minoritaires, et parfois, cette minorité a été bien petite. « Entrez par la porte étroite, » dit Jésus, « car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin, qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7:13-14. Vous connaissez déjà l'histoire, il n'est pas besoin de vous la raconter à nouveau en détail. Vous savez que Dieu a créé ces êtres célestes, avec la liberté de choix, de sorte qu'ils puissent le servir volontairement, et non par devoir. Vous savez que Lucifer s'est servi de son libre arbitre et a choisi de se placer au-dessus de Dieu. Vous savez que cela a débouché sur une guerre dans le ciel et à l'expulsion de Satan avec le tiers des anges qui a pris parti pour lui. Vous savez que Dieu a créé une terre parfaite et y a placé deux êtres parfaits, à qui il a aussi donné la totale liberté de choix. Et vous savez que tragiquement, ils ont aussi choisi de faire l'horrible choix qui a ouvert les écluses du péché sur notre planète. Les premières feuilles virent au brun. Adam et Ève paraissaient ruinés. Ils virent les fleurs se faner et mourir, les feuilles brunir, sécher et tomber des arbres. Et ils connurent un plus grand chagrin qu'on en éprouve aujourd'hui devant la mort d'un être cher. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 39. Ils éprouvèrent une profonde douleur, soudainement conscients de tout ce qu'ils avaient perdu. Ils furent consumés par le remords et par un sentiment de désespérance. Un seul choix égoïste, et ils devaient mourir et être comme s'ils n'avaient jamais été. Dieu aurait pu, et certains diront, aurait dû, les anéantir. Il avait tous les droits de leur faire récolter ce qu'ils avaient semé. Mais nous savons que Dieu a choisi une autre voie. Il s'est interposé entre le mauvais choix et ses ultimes conséquences. Il a voulu donner aux êtres humains une nouvelle occasion de faire leur choix. Dans sa compassion, Dieu a fait part à Adam et Ève de son plan de salut. Bien que de nombreux résultats de leur choix égoïste ne leur soient pas épargnés, Dieu les sauvera des effets ultimes les plus désastreux, la mort éternelle, au prix effrayant de sa propre personne. Dieu allait donner à nouveau à Adam et Ève une chance de choisir. Et à chacun de leurs descendants, tant que le péché existerait, il allait donner la même chance. La chance de choisir de quel côté se placer. De choisir entre l'amour ou l'égoïsme, la vérité ou le mensonge, Christ ou Satan. Nous savons déjà qu'Adam et Ève ont connu une très longue vie et qu'ils ont fait usage avec sagesse de leur deuxième chance. Ils étaient endommagés et imparfaits, mais quotidiennement, ils choisirent de façon décidée de se placer du côté de Dieu. Nous savons aussi qu'immédiatement, leurs descendants commencèrent à faire leur choix. Abel, le fils d'Adam et Ève, offrit sur l'autel, conformément aux instructions de Dieu, le sacrifice d'un agneau qui représentait l'agneau de Dieu rédempteur qui paierait un jour le prix du péché. Son frère Caïn apporta sur l'autel le fruit de son propre labeur, montrant qu'il faisait davantage confiance à ses propres efforts qu'au salut gratuit de Dieu. Quand Dieu accepta le sacrifice d'Abel et refusa celui de Caïn, ce dernier devint furieux et commit le premier meurtre de l'histoire. Caïn tua Abel. Notez l'important commentaire suivant de ce terrible événement, et ce qu'il signifie pour vous et moi qui vivons après l'an 2000. Caïn et Abel représentent deux catégories d'individus que l'on rencontrera jusqu'à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché. Les autres courent le risque de se confier en leur propre mérite, c'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire, et partant incapables de réconcilier l'homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les mérites de Jésus-Christ peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. Ceux qui, ne sentant aucun besoin de l'agneau de Dieu, comptent pouvoir s'intégrer dans la faveur du Tout-Puissant par leurs bonnes œuvres, commettent la même erreur que Caïn. Aussi longtemps qu'ils n'acceptent pas le sang purificateur, ils restent sous la condamnation. Les adorateurs, qui se rangent du côté de Caïn, constituent la majorité des hommes. Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire son salut par ses propres moyens. Quelques-uns aujourd'hui prétendent que l'humanité n'a nul besoin de rédemption, mais seulement d'une amélioration, qu'elle est susceptible de s'épurer, de s'élever, de se régénérer elle-même. Sa tendance naturelle n'est pas de s'élever vers le bien, mais de descendre vers le mal. Jésus est notre unique espérance. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 12. Ellen White, Patriarches et Prophètes 2, page 51. Depuis le début, il n'y a que deux côtés. Le côté qu'Abel et ses parents ont choisi, et le côté choisi par Caïn, le côté de Christ ou celui de Satan. Le côté de la foi ou celui des œuvres humaines. Celui de l'obéissance ou celui des récalcitrants attachés à leur propre volonté. Le côté de la loyauté envers Dieu ou la fidélité à soi-même et par extension au grand ennemi de Dieu. Le côté de la croyance dans la vérité sur Dieu ou celui des mensonges que Satan profère à son sujet. Ces deux côtés sont les seuls qui existent encore aujourd'hui. Et à chaque être humain est donné l'occasion de choisir quelle partie il veut prendre. Adam et Ève ont choisi. Caïn et Abel ont choisi. Toute personne ayant vécu dans le passé a fait son choix. Maintenant, tout individu sur la terre fait son choix. Quel choix faites-vous? À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus. Et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.